j'ai planté l'amour. J'ai planté trahison. Moi j'ai planté confiance. J'ai planté déception. Oh yeah, je reviens à moi, la maman. Tu m'as rendu très malade. Je dirai tout à Delphina. Au Katinga et Motema. Moi j'ai planté coco. Coco n'a pas pu donner. Moi j'ai planté coco. Coco n'a pas pu donner. Moi j'ai planté l'amour. J'ai planté trahison. Moi j'ai planté confiance. J'ai planté déception. Je reviens à moi, la maman. Tu m'as rendu très malade. Oh yeah, je dirai tout à Delphina. Au Katinga et Motema. Tu n'as pas dit que tu m'aimes, mon frère. Voilà toi, voilà fait. Il faut nous aimer, là on va voir. Yeah. Moi j'ai planté coco. Coco n'a pas pu donner. Moi j'ai planté l'amour. J'ai planté trahison. Moi j'ai planté confiance, maman. J'ai planté déception. Je regrette à moi, la maman. Je dirai tout à Delphina. Au Katinga et Motema.

économiser pour acheter Radio Cassette. Radio Cassette pour écouter communiquer. Économiser pour acheter Radio Cassette.